tellement pressé, tant bien que mal, par ce monde étriqué. C'est tant, autant, pourtant purement angoissé. Tout, partout, sur tous ces écrans de télé, l'urgence, les stars, des corps et des standards. Bonsoir, en manchette ce soir, on parle de feu, de divorce et de LSD. Vous êtes à 70%? Ouais! Des fois on a des invités, puis d'autres fois on en a. C'est vous autres! C'est vous autres qui jouent! C'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy il joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh longtemps qu'on l'avait entendu, celle-là, hein? Le thème Israël, parce que je suis là! Ben oui, le thème Israël, les gens qui faisaient les back vocals, qui est là aussi! Ben oui, ben oui! Bonsoir! C'est fun, c'est les Sprats! On parle de LSD, c'est ça? Oui, on va parler de LSD. Tout de suite? Non. On parle de quoi aussi? Ouais, il y a les Sprats, on lance cet album en fin de semaine. Ben oui, c'est pour ça que vous êtes là. On va vous interviewer, on va poser des questions. Hein? On pourrait peut-être faire une entrevue pour et par les Sprats, moi. Puis... Ouais, c'est bon. Moi, ça me dérange pas, ça m'enlève des responsabilités. Ben, passe-nous tes questions. Ben, attends un peu, là. On va commencer l'émission avant que je te pose des questions. Il est pressé. Alors, au micro, Bruno Corbin, à la barre. Au Rennes, à l'absence de Tommy Corbett, à l'absence de tout le monde, à l'absence de contrôle également, en l'absence de contrôle, au contrôle en l'absence de contrôle. Merci Benoît Mercier encore cette semaine de t'occuper de la régie et de t'impliquer un peu plus dans l'émission parce que faut qu'on bouge des trous. C'est pour la cause. Ah, tu veux que je m'en aille? Non, c'est correct. Ok, pas de problème. C'est ça que je voulais dire par boucher des trous. C'était au sens positif de la chose. Oui. Ok, clairement. Emmanuel C. Séguin. Bonsoir. Tu vas venir nous parler de quelque chose. Ouais, ben j'avais pensé vous parler du lien entre la relance économique, le plan de relance économique suédois et la population des reines du Nord, mais j'ai oublié mes dossiers dans mon char, fait qu'on va essayer de trouver d'autres choses. C'est bon. Excellent. On a Sarah qui va qui va faire la chronique de DJ George. Ben oui. DJ Georgette. DJ Georgette. Ouais. Puis en plus, il a fait ça bien. Il m'a envoyé par mail tout ce que je devais dire dès le début. Mm-hmm. Et on voit tu t'es forcé. Il y a du marqueur rose, du marqueur orange, des traces de stylo. J'ai travaillé en amont, comme on dit. Et puis après, j'ai préparé aussi un petit... un autre petit quelque chose en plus. Un petit quelque chose. Sarah qui m'a appelé tout à l'heure pour me demander si elle pouvait pas venir. Oui, ben non, je vais trouver une excuse aussi. Ah bon, ben on va commencer tout de suite en nouvelles, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait d'habitude, je pense. Oui. Tu peux nous partir une petite trame sonore, toi? Oui, qu'est-ce que tu veux? Là, j'ai plein d'affaires ici. Là, j'ai ton dossier de Ennio Morricone. C'est ça qu'on va écouter aujourd'hui. On va écouter du Ennio Morricone, fait que choisis. Là, ok, bon, il y a une affaire qui s'appelle Pur. Je vais y aller au hasard, tu me dis si c'est correct. On va checker ça. Ah, ça va être correct si tu ne mets pas fort. Ouais, c'est bon. C'est dramatique. Mais pas trop fort. C'est super dramatique parce qu'on est tout seul. Alors, on est tout seul entouré. Il y a un nouveau jeu télévisé turc où un prêtre orthodoxe, un rabbin, un imam et un moine bouddhiste recevront des points quand ils réussiront à convaincre des athées à se convertir à leur religion. Dans chaque épisode de Penitence Compete, les quatre représentants de leur religion respective tenteront de convertir 10 athées qui auront auparavant passé une batterie de tests effectués par une équipe de théologiens afin de s'assurer qu'ils sont bien athées. Quand même. Parce qu'il y a des tests d'urine inclus là-dedans. Ouais, c'est ça. Je pense que. Quoi, ils vont poser la question, tu crois-tu en Dieu? Oui, tu crois-tu en Dieu? Non. Non. Ah! Voilà. Et puis, il y a la police de Cincinnati qui s'est rendue dans un Sears de la ville, en fait, où une caméra de surveillance avait détecté un homme qui dessinait un pénis sur un écran de télévision plasma. Jordan Puckett fait maintenant face à des accusations de dommages criminels. La télévision d'une valeur de 1599,99 est maintenant invendable car Puckett a utilisé un marqueur permanent. Aucun motif n'a été invoqué. Est-ce que c'était nécessaire? Pas besoin de motif pour dessiner un pénis. Exactement. Alors voilà. Ben, on va commencer à poser des questions à nos invités tout de suite, hein? Ouais, oui, les Sprats! Salut, les Sprats! Salut! J'aimais ça, les nouvelles. T'aimais ça? Ben, on va en avoir d'autres tout à l'heure. Oui, oui, je peux pas toutes les passer là, parce qu'après ça, j'ai plus rien. Un heure et demie. Fait que, ben, ouais, ben... C'est... Parlez lentement. Ouais, on va essayer de régler nos enfants. On a une chanson à cappella aussi pour vous autres tout à l'heure. Ouais, on a amené une chanson à cappella. Vous avez amené une chanson à cappella? On a amené nos voix. Puis on a amené votre disque aussi, on va écouter une tonne ou deux. Ah ouais, ou deux t'as, t'as amené notre peut-être disque. Quatre. On pourrait mettre tout le disque avant de partir. Ouais, ça vous sera pas moins de job. Ah ben l'album, ça fait combien de temps que c'est en construction, ça, cette affaire-là? Ben en fait, comme qu'on a écrit dans le communiqué de presse, ça fait à peu près 8 ans qu'il est en chantier. C'est vrai pareil. C'est ça le pire, la toune la plus vieille qui a été composée et jamais enregistrée parce qu'il y a des tounes qu'on a repris de vieux démos. Mais la plus vieille doit dater de 2000, peut-être 2001. Okay. Ah ouais. Ça fait aussi longtemps que ça là, qu'elle a été composée. Puis il était crissement temps qu'on enregistre. Puis que vous sortiez cet album. Ouais, c'est ça. Puis ouais. C'est ça, on voulait le faire super indépendant, là, DIY, à fond la caisse. Fait qu'on n'a rien payé, en fait. On n'a rien payé, on s'est équipé. Ben, je me suis équipé un peu. Fait que t'as payé l'équipement. J'ai payé les... Ouais, mais c'est pas grave, parce que ça reste toute une vie. Ça. Ouais, puis au pire, ben, si tu veux t'acheter de la drogue, tu peux le panner. Panner, ouais. Ouais. Je suis bon là-dedans. C'est bon. Ça, les ponchers. Non, mais en fait, c'est ça, on a enregistré... le processus a été long de composition, surtout, tu sais, puis les compositions sont quand même assez travaillées, là, je pense. Oui, oui, oui. Ben, j'ai remarqué en l'écoutant que oui, en général, la plupart des chansons étaient quand même, je vous aurais été construite de façon assez complexe, même si on parle de... c'est du punk-core? C'est du métal. C'est quoi du punk-core? Non, c'est pas vraiment du punk-core. Moi, je vois plus ça comme un groupe punk. Ouais. Ou... reggae. c'est un parfait mélange entre les deux. Tu penses que c'est un mélange entre le punk et le reggae? Ouais, tu vois, je l'ai pas vu comme ça, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Hein, ben, sérieux, le reggae, c'est vraiment large. Ouais, mais c'est parce que, en fait, la grosse ressemblance avec le reggae, c'est que les Sprats, c'est un ben qu'il faut que t'écoutes aïe. Ah! C'est vrai, c'est là que tu remarques toute la texture dans la musique. Mm-hmm. C'est un groupe ambiant, puis c'est vrai. En fait, les je dis ça en niaisant, ouais. Mais c'est vrai pareil. Non, mais c'est vrai que c'est un bon groupe à écouter pendant que tu fais du ménage ou... Ouais, c'est comme ambiant, tu sais. Ouais. C'est large. Toi, t'es high quand tu fais le ménage? Oui. Ça passe. Ben, moi, je le fais juste quand je suis en lendemain de speed. Puis c'est ça, l'album a été enregistré dans le mois de novembre, à peu près. Puis tout le processus qui a suivi pour les impressions de disques, puis cette niaiserie-là, tout fignoler le mixage, le mastering, tout ça a été vraiment long, là. Ça a fait chier, là. C'est pour ça qu'on le sort cette semaine? Ouais, c'est ça. C'est depuis novembre qu'on pense que, ah, cool, l'album est enregistré, il va sortir dans un mois. Mais non, tu sais, c'est comme... Et moi, j'ai une question. Ouais. Si ça fait comme 8 ans que c'est en chantier, ça veut dire que la première chanson qui date d'il y a 8 ans... le fait que ça sort maintenant et que vous ayez grandi, donc âge plus 8, ça change rien? Ben, les Sprats, c'est intemporel, je pense. C'est comme le petit prince. Ça parle de quoi? Ben, comme à peu près toutes les tunes des Sprats, on envoie chier quelqu'un qu'on connaît pas. C'est vrai, hein? C'est ça le pire. Mais c'est la beauté de la chose. C'est ça la beauté de la chose. Ouais. C'est que vous pouvez envoyer chier toujours quelqu'un que vous connaissez pas. Mais gentiment, souvent. En plus, ouais. vous prenez jamais de risque, en fait. Hein. Ben, mon chum Vincent me l'a dit, hein, t'as qu'à écouter un groupe pas mélodique, j'aime aussi bien écouter les Sprats. Ouais, il parlait de quand on était au show de les Delaware Chuck. Ah oui. Non, ah. Il comparait les Sprats aux Delaware Chuck. Il comparait le pas mélodique. Le pas mélodique des Delaware Chuck. C'est vrai que c'est plate. Balada, c'est bon en show. Moi, j'aime bien aimer ça. Non, non, moi, je dirais pas que Taylor Chuck, c'est plate. Non, non, personne dit ça ici. Mais non, il y a personne qui dit le ça. Le débat du jour pour ou contre les Delaware Chuck. Ah, c'est ça le débat maintenant? Non. Ben, on peut en faire plusieurs. Ouais. Pour ou contre le sexe, comme dans un contrat de gars. Ouais. Merci de faire des blagues de contrat de gars. Le contrat de gars à mon émission de radio. Puis c'est ça, dans le fond, je me demandais, Israël. Ouais. D'où c'est que ça vient, les sprats? Le nom, là? Le nom, je sais pas. Je pense que c'est toi et puis Tessier. Vous étiez sur un trip de moche. Puis vous avez mal lu le nom Ma Pause Prête. Vous avez donné Ma Pause Prête, c'est tout ça? Ouais, c'est ça. Bravo. Tu gagnes un point. Je me demandais, Jean, ça fait combien de temps que je joue dans le Ben, moi? Israël est arrivé à la pratiquement à la 9e ou 10e année d'existence des Sprats, je pense. Non, un peu avant, je pense que les Sprats, officiellement, vont avoir 13 ans le 22 octobre. Eh ben. 13 ans, 2 albums. Le premier album, c'est comme du vin. Ça fait 10 ans que le premier album a été sorti en novembre. Il est sorti en novembre 99. Là, c'est ça, c'est comme notre 10e anniversaire de cet album-là, puis notre 13e anniversaire d'existence cette année. On s'estinait un peu, t'as 12 ou 13, mais moi, je pense que c'est 13. Là. Vous avez fait combien de concerts avec les Sprats? Je pense que ça tourne alentour de 70. En 13 ans? En 13 ans, vous avez fait 70 spectacles. Ben, on a fait vraiment beaucoup au début. On a fait les premières parties de toutes les Chris de Ben qui passaient à Rouen, que ce soit Grimmskong, Barf, Overbass. On a même fait Anonymous, je pense, en tout cas. Puis des Ten Football. Reset, puis Big Wig de Reset. Big Wig, ouais. Dans le temps que je jouais pas dans le Ben, mais que j'étais le fan numéro 1. Mm-hmm. À Israël, il y avait même pas la majorité. Puis, non, c'est ça. Puis, après ça, en 2000, à peu près, on a arrêté. Parce que si on fait Behind the Music, les Sprats, là, ben, voyons, il y a vraiment eu des gros problèmes à partir de 2000 dans les Sprats. Après la pause. Après la pause. Les Sprats traversent l'enfer de la drogue. Non, c'est pas un problème de drogue. Ouais, on pourrait poursuivre vraiment après la pause. Parce que, on prend un break d'entrevue, ouais. On pourrait, mais je sais pas où est-ce que hein? Ah non, on l'a pas là, après la on pause. On l'a pas. Hein? Ah, c'est il est à DJ George puis il nous l'a pas envoyé. Hein? C'est bien. Il est en vacances en quelque part. À Cuba. Penses-tu qu'il écoute l'émission? Non. Sûrement non. Pas. Non. On écoute ça une tour des Sprats en fait. Je voulais dire salut. Je pense pas qu'ils peuvent écouter une émission à Choc FM. Ben, s'il y a Internet à Cuba. Ah, à Cuba, ouais. Penses-tu que Choc FM est bloqué par moi, le régime que communiste? Ouais, je pense que c'est à cause de Bruno, je pense à cause de moi, probablement, parce qu'à toutes les astuces d'émissions, je suis contre Fidel Castro, à toutes les émissions, je suis pas capable de m'en empêcher. Il est lette! Il est vieux! Arrête! Excuse! Est-ce qu'il est mort? Mais non! Il va très bien. Non, il est pas mort. C'est un cyborg. Et d'ailleurs! Il est à quatre pattes! En parlant de cyborg! Ah, ce soir, le film que nous allons voir s'intitule Nemesis. C'est un film américain et danois. Donc, américo-danois. Ou dan-américain. De 1993, du très grand Albert Pyun. Ah oui, je connais. Ce soir, vous ne verrez pas Robert Ginty dire « Dommage que tu sois ma sœur ». Ah, merde. Vous ne verrez pas une fable mélodramatique moderne aux accents de films d'espionnage industriel. Vous ne verrez pas le gentil se servir d'une scie à chaîne pour se débarrasser des méchants. Vous ne verrez pas le processus fastidieux d'un homme qui souhaite transformer une femme qu'il vient de rencontrer en sa sœur morte pour éventuellement coucher avec. Non! Ce soir, vous ne verrez pas toutes ces choses merveilleuses parce que vous avez voté pour Nemesis. Vous avez voté pour Albert Pyun, dont je ne parlerai pas ce soir, car je crois qu'on a déjà fait le tour du sujet à cette émission. Vous avez voté pour Oliver Gruner, ou Olivier Gruner, ou OJ, pour les intimes. Un autre artiste douteux multidisciplinaire, un Français qui, après s'être engagé dans les forces spéciales de l'armée française à 18 ans, est devenu le premier champion français de kickboxing en 1987 et champion du monde de kickboxing. Il a ensuite pris sa retraite et a décidé d'être mannequin avant de se faire remarquer au Festival de Cannes. Tout ça a mené à son premier film, Angel Town, ainsi qu'à une panoplie de films d'arts martiaux. Mais ce soir, vous ne verrez pas non plus un film d'arts martiaux. Non, ce soir, vous allez voir un drame existentialiste sur l'humanité d'un cyborg qui s'effrite à chaque fois qu'il se fait poser des nouvelles pièces. Alex Rain est-il encore humain? Qu'est-ce qu'un humain? A-t-il des sentiments, des émotions, ou est-ce seulement un signal synthétique qu'il ressent? Alex Rain a-t-il une âme? Qu'est-ce qu'une âme? Toutes ces questions métaphysiques et existentielles seront adressées dans ce film et on nous donnera une réponse pour chacune d'elles. Alex Rain, traqué des deux côtés de la loi, aura affaire à des méchants gentils, des pas très gentils gentils, des gentils méchants pas si méchants et des gentils gentils peu méchants. Où donner de la tête dans ce monde post-apocalyptique où tout le monde est un cyborg et tout le monde se traite de façon péjorative de saleté de cyborg de merde ou d'humain, dépendamment des circonstances. Où on a juste à rester planter devant trois gars qui nous tirent dessus pour les abattre. Ou, si on veut passer à travers un mur ou un plancher, on a juste à tirer en rond dedans. Où on peut faire tomber une tour grâce à 4-5 coups de shotgun. Alex Rain peut se sauver des méchants, de son némésis, mais il ne pourra échapper à son destin. Eh boy! Quelle jouissance! Ça me rappelle cette bonne blague de cyborg de Force T qui est la suivante. Eh bien, c'est là, je me farcirais bien. Oh, t'en mets ta crête dans un grippin. Ça se voilà. Oui, je m'en rappelle. On va aller à la troisième minute du film, s'il te plaît. Troisième, on va aller faire ça. Attends, c'est qu'est-ce qui se passe, Bruno? Qu'est-ce qui se passe à la troisième minute? On va nous mettre en situation. C'est le début, la narration monotone. Ok, c'est deux bits du dieu. Ouais, c'est ça. Troisième guerre nucléaire. Quand l'ordre de mission informatique lui parvint, il eut l'étrange sensation que tout allait bientôt changer pour lui. Ce n'était peut-être dû qu'à la configuration du monde moderne. Elle est tellement caverneuse. Gangsters bio-renforcés, terrorisme informatique, banditisme robotisé. Ça m'excite quand c'est une femme caverneuse. Par une telle débauche technologique qu'il en avait presque la nausée. Los Angeles, Californie, 2027 après Jésus-Christ. Oh, chier. Tout en vie. J'ai l'impression qu'il annonce pour une banque. Comme dit un vieux proverbe dans ce métier, ah, oui. Ça paye d'être plus qu'un simple humain. Voilà. Ça paye d'aller à la banque. Commencez à en douter. Et il commence à en douter. Déjà, il commence à en douter. Il se pose des questions. Ça fait juste commencer. Là, il est en train d'être avec une fille puis de la caresser. Ouais. Et puis là, ben là, elle va le prendre à la gorge. Ça bouge, je t'éclate la gorge. Ouais. Puis là, il est en train de le fouiller. Hein? Ah ouais, un peu partout. Moi, j'ai dit visuel, mais c'est pas mieux. Hein. Ouais, non. Oh, ah, voilà. Ah, ah, ah, le saxophone. La prudence s'impose de nos jours. Ça grouille de flics en civil. Voilà. Et juste après qu'elle ait dit ça, il va aller l'embrasser. Et ça sent bien, ça sent bien. Et c'est pas fait relax, encore. Mon lapin. Il va venir. Ah non, il s'embrasse juste. Non, il vole son gun qu'elle avait sur elle. Bien sûr. Il tire dessus. Ouais. Wow. Oh, ah, c'est un cyborg. Ah ouais? T'es qu'une salopard de flic! Et toi, une salope de terroriste. C'est voilà le titre! Wow! Hey! Némésis. Et si bon contre les terroristes, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Alors là, ça se passe en 2027, ça? Ça se passe en 2000. À Los Angeles. Ben, en plus, bientôt. Elle est. Il y a bien des affaires qui se passent en même temps dans cette ville-là, à cette époque-là. Oui, oui. Ouais. Ben, c'est tous des mondes parallèles. Tu penses? Ouais, j'ai comme malin plaisir à penser que ça fait partie de la même société, puis c'est juste comme ça se passe à 2-3 rues de distance. Ouais, tu penses? C'est 2-3 quartiers différents. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est le même Los Angeles. C'est vrai, c'est grand. Chi. Là, il était fait dans South Central, tu sais. On va aller checker la 39e minute 30. 39e minute 30. Ouais. On va faire ça, sauf que la version de VLC que j'ai ne monte pas comme il faut le temps. Hey, Morico, là, tu vas arrêter ça. Okay. 39, 30. Environ. 39, 30. C'est beau, je l'ai, on va trouver ça. C'est bon. Voilà, est-ce que tu veux qu'on baise? Là, il donne une volée. Ils sont tenus en ce moment, là. Ah. Tu es insultant, Billy. Est-ce qu'on voit des circuits? Ouais. Et là, c'est vraiment le fun parce que là, ils vont dire qu'ils vont dire qu'il avait passé un marché. Julian, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fous? On avait passé un marché. Je croyais que. Mais parle à la fin! Non, je t'en prie, fais pas ça. Oh non, je t'en supplie, non! Qu'est-ce qu'il avait fait? Il est névrosé. Je te rappelle qu'on avait passé un marché. Il avait passé un marché. Tu peux pas me faire ça! Pas on est associés. Ils sont associés. J'ai trouvé une couverture à Changlou. Qu'est-ce que t'avais fait? Je t'ai foncé pour toi! Ouais. Mais enfin, merde, on avait passé un marché, espèce il de sale. Ah, un marché. Non. C'est bon, c'est ça, c'est juste ça qu'il y a. Et en trois fois, ouais. On sait pas c'est quoi. Du grand. Bah ouais, il avait passé un marché. Là, elle découvre que le gars, c'est un flic, mais c'est vraiment un personnage très très secondaire. Comment tu faisais? C'est avec, je pense que c'est la deuxième fois qu'on le voit dans le film. Puis, ben, c'est ça, il est super inutile finalement. C'est juste pour nous montrer qu'il est incapable de tuer quelqu'un, ce personnage-là. Et ce personnage-là est aussi extrêmement secondaire. En résumé, d'ailleurs, on s'en calisse. Ouais, c'est ça. La raison pour laquelle cette scène existait, je crois, c'était pour qu'on voit les grosses boules de la fille. Ouais, ouais, c'est à peu près ça qu'on voit en ce moment. Donc, c'est un film. S'il y a des grosses boules, aussi bien s'en servir. Ben oui, exactement. C'est ça. C'est ça qu'ils sont dit, man. Donc, c'est pour ça que, ça se passait comme ça, c'est ça. Mais j'ai une question, Bruno. Oui. Tu disais que c'est les gens qui avaient choisi le film de cette semaine. Ouais, c'est quoi, on vote par Internet? Voter sur douteux.org. OK, c'est le même, ça marche à chaque semaine. Puis il y a une liste. Mais d'où tu viens? Il y a deux films en combat chaque semaine. C'est quoi, tu viens à mon émission pour me poser des questions? Non, mais c'est quoi, c'est prends ton émission de radio avec les Sprats, là. Attends. Puis là, invite-moi. Puis demande-moi de venir parler. Non, parce que j'ai demandé à plein de mes amis d'écouter l'émission à soir, puis sûrement que personne n'est au courant. Ah, c'est bon. Donc, du monde de la BTB qui vont peut-être voter pour Douteux, ben, sur douteux.org. Mais là, ils seraient niaiseux s'ils viennent pas regarder. Ben non, mais peut-être qu'ils vont dire « Wow, c'est cool! » Ouais, c'est à côté de chez toi, et à cette heure, on fait des barbecues cool avant d'aller voir les Douteux. Douteux. Douteux. Bon, ça suffit. Il y en a peut-être quelques-uns d'Abitibiens parmi les quoi, 60-70 personnes qui ont... 70, probablement. Il y en avait à peu près ça quand j'ai regardé la dernière fois qu'ils ont voté pour le film cette semaine. C'était assez serré. Ouais, ça a passé proche d'être Whitefire à un moment donné, mais on aurait aimé ça. Ah, c'était Whitefire, l'autre? Ah, c'était Whitefire, l'autre. Tu sais, j'avais mis Nemesis contre Whitefire parce que je me disais c'est sûr que Whitefire va gagner. Puis finalement, le monde voulait avoir des... Ça, c'est ton préféré, Whitefire. Whitefire, hein? C'est pas mal mon préféré. Dommage que tu sois ma sœur. Dommage. Je lis ici, par exemple, la trame sonore de Whitefire, si vous voulez l'entendre. On pourrait mettre la tune de Whitefire. Ouais, parce je l'ai fait jouer tantôt à mon show, mais elle est encore là, disponible tout chaude. Alors, si... on va quand vous voulez. Ah, vas-y. Ah oui, OK, on va, faire, on va écouter ça. Fais la vie. On pouvait pas tricher, quand même, mettre notre fil. Arranger les votes, là. Ben... On avait tous envie de voir l'autre. Bel tapping avec. T'es capable de faire ça. White fire. Vivre pour survivre. Ouais, le titre original est en vivre pour survivre, effectivement. C'est un film, c'est une production française avec des acteurs américains dedans. C'est comme manger pour manger. Ouais, c'est ça. Manger pour se nourrir. Ouais, c'est ça. Manger pour se nourrir. C'est un pléonasme! Oh! Presque! Un pléonasme? Ouais, on peut s'entendre pour. Ouais, c'est comme creuser un trou, on n'est pas sûr si c'est un pléonasme. Ah, c'est ouais, suicider. Hein? C'est suicider. Est-ce qu'on peut creuser autre chose qu'un trou? Ouais. Ouais, un appétit. Donc, ce n'est pas nécessairement. Creuser le cabochon. Nécessairement un pléonasme, c'est un pléonasme, par exemple. Ouais. Fourré dans la tête. Ouais. Non. On n'a pas une ligne directe avec l'Office de la langue française. Chier de la merde. On pourrait demander à l'Office de la langue française de nous appeler. S'il y a quelqu'un à l'Office de la langue française qui nous écoute en ce moment, appelez au 987-3000, poste 1610, afin de nous communiquer. Montez vos orteils. De toute façon, il n'y a jamais personne qui nous appelle. C'est quoi le numéro déjà? 987-3000, poste 1610. 1610. C'est bon. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, on se prête. Oui. Hein? Parce que nous autres, là, à partir de là, on fait plus rien. On attend que le monde nous appelle puis tu poses des questions, on se prête. Comme à Call TV. Jean-François. Call TV, c'est cool. J'aime ça. L'écoute des fois. On fait du remplissage jusqu'à ce qu'il y ait un appel qui passe. C'est vraiment une estie d'arnaque, ça. C'est fou. En tout cas. Jean-François, j'ai une question pour les Sprats. Est-ce que t'as déjà composé une toune sous l'influence du gaz? Non, j'ai arrêté de faire du gaz avant de commencer à jouer dans les Sprats. Ah ouais? Ouais. J'ai arrêté à quel âge? J'avais tout arrêté. J'ai arrêté le gaz, je pense que j'avais... Je devais avoir... 12 ans. À peu près 15. OK, ouais. Ah. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose à faire à Rouen, hein. Ben, du gars. Tu pannes à chaussures. Et hey, puis vous autres, les gars, là, avez-vous une toune préférée sur votre album? L'album des Sprats? Ouais, le nouvel album, là, je parle. Pas celui qui date. On pourrait mettre la 10. C'est quelle, la 10? C'est savoir pourquoi qu'elle s'appelle. Ouais, ok. C'est votre toune préférée de sur l'album? Ben, c'est dur à dire. Ça a été notre toune préférée pendant une crise de bout, puis on dirait qu'on s'est tanné. Vous êtes combien? Vous êtes combien, en fait, dans les Sprats? Parce que là, vous êtes tous les deux, mais... On est rendu 4. Ok, il y a qui? Il y a... on nomme-tu le vrai nom? Ben ouais. Ben oui. Sébastien Tessier, qu'on en appelle Monseigneur. Il y a Yann Isabelle, Yann Chan. Salut Yann. Salut, salut Yann. Yann qui nous écoute à la toi, maison. Toi, salut Tessier, par exemple. Non, même s'il nous écoute sûrement. Puis il y a Israël Trudel-Denis, Shadow. Shadow! Ah, c'est vraiment de Sprat Shadow. J'expliquerai l'histoire après. Puis il y a Jean-François Gibson, ou Jean, ou Rocket. C'était mon surnom quand j'étais jeune. C'était Rocket, ton surnom? Ouais. C'est mon surnom des Sprats. Ah, tu t'appelles Jean-François Gibson? Ouais, tout le monde est déçu quand je dis Jean-François. Non, c'est pas Jean. Non, c'est pas Jean. Mais raconte-moi donc l'histoire de... De Shadow? Ouais. C'est à cause que quand je suis arrivé dans les Sprats, je me suis rendu compte que j'étais dans l'ombre de Tessier, du premier guitariste, même si je suis meilleur que lui. Je pense. Ben, vous allez voir au lancement, si vous venez au Bistrot de Paris, ce samedi soir, avec le monde dans le feu. Oui, il faut le plugger. Ah, c'est pas samedi, c'est vendredi. C'est vendredi. Ah, c'est vendredi. C'est vrai que c'est pas samedi, mais je travaille j'en samedi. J'en ai mes notes. Ouais, c'est vendredi à 21h02. C'est 0$, puis c'est ça, je vis dans l'ombre de Tessier, l'autre guitariste qui est vraiment pas bon, qui sait pas les tunes dans le fond. Sauf que vu qu'il était là avant moi, tout le monde le trouve plus cool. Il est pas super. Enfin, non, c'est vrai, il est pas super. Il écoute peut-être en ce moment. Tu sauras que si on aurait le choix de se débarrasser d'un des deux guitaristes, on se débarrasserait sûrement de Tessier. Ben non, on aime ça le garder. Puis c'est pour ça, vu que je suis dans son ombre, je suis Shadow Sprat. Tessier Shadow. Ouais, c'est ça. J'ai même écrit un poème qui s'appelle « Dans l'ombre de Tessier ». Il était merveilleux, ce poème-là. Ouais, et puis tout le monde était ému. Hein. Il l'a en ligne sur YouTube. Tu écris les Sprats, tu peux voir le poème. Ouais. Est-ce que ça fait comme un peu « À l'encre de tes yeux » de Francis Cabrel ou ça n'a pas... Ah, on n'a pas pensé à ça. Ah, ouais, hein? Ah non, c'est plus noir. Encore plus que l'encre de tes yeux, quelque... C'est comme du Edgar Allan Poe, un peu. Mais chanté. Mais pas bon. C'était pas chanté, c'est juste un poème. Non, c'est juste un poème, c'était une nuit de la poésie. Il avait participé à une nuit de la poésie. Puis en passant, le concert, il va être avec Le Monde dans le Feu. Ouais. Qui est un groupe quand même que j'aime bien. Ouais, moi aussi. Ah ouais? Ouais. Ils sont méga fiables, ouais, ouais. Ouais, ils sont sur méga fiables. C'est un petit peu... C'est meilleur que les Sprats, moi, je trouve, là, un peu, quand même. On pourrait raconter l'histoire de Megafiable aussi, vu que c'est le label des deux bands. Ben, il me semble de bien avoir d'autres choses à faire dans cette émission. Ben oui, au pire, on en reparlera tantôt. Hein, mais, t'as pas une histoire de caca à nous raconter, quelque chose? Je sais pas, de ce temps-là, je trippe ces jokes de pain, fait que c'est comme... Ah ouais, les tranches de pain? Ouais, c'était une fois un gars qui voulait rentrer dans la police s'est tossé, il est rentré dans une miche. Moi, je préfère ça aux blagues de caca. C'est qu'est-ce qui est le plus pesant, une tonne de caca ou une tonne de brioche? On va dire que c'est une tonne des Sprats. On va écouter une tonne des Sprats, je pense. Là, on va écouter. Elle va s'appeler Savoir pourquoi. Qu'elle va s'appeler la 10 sur l'album des Sprats. On écoute ça là. Ça se passe. Marche. Ça serait déjà pas mal moins pire que celle-là maintenant. Ah, on vient d'entendre la douce voix de Martin Gauthier, mon boss, et le boss d'Emmanuel, qui va nous faire sa chronique là. C'était pour ça que je faisais ça, hein? C'était pour faire un lien. Il est surpris. Je pense qu'il y en a pas. Je t'avais dit que mes dossiers étaient dans mon char. Ah, ben vas-y, tu peux y aller chercher. Ok, ben j'en reviens dans une heure. Est-ce que tu veux nous parler de quelque chose, Emmanuel, ou t'es vraiment juste là en spectateur? Je suis là en auditeur libre. T'es là en auditeur libre, c'est bon. Je me manifeste. Il n'y a pas quelque chose dont tu voudrais nous parler, genre, il n'y a pas un sujet qui me tient à cœur. Tient à cœur ces temps-ci. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a contrarié cette semaine? Je joue au Blood Bowl. Ah, tu joues à Blood Bowl? Ouais. C'est un beau jeu qui vient tout juste de sortir. C'est encore tout chaud. C'est même pas en magasin. Il faut aller le télécharger sur le site. Mais c'est très intéressant. C'est une espèce de mélange de football américain et du jeu Warhammer. Qui est un jeu médiéval fantastique, moins fif que Donjon, en fait. c'est beaucoup plus violent et agréable. Que... Puis, c'est à essayer, si jamais il y en a qui veulent mettre la main là-dessus. Hein. Blood Bowl. Puis c'est quoi, comment ça fonctionne? C'est un en jeu fait, de stratégie? Il y a un mode tour par tour, mais il y a aussi un mode en temps réel. Le mode tour par tour il est assez intéressant. Justement, tu fais tes stratégies, tu as différents types de joueurs, des receveurs, des lanceurs, des coureurs. Là. C'est vraiment comme au football, sauf que les règles sont assez obscures, puis tu peux pas mal faire des bobos aux autres. Puis tu peux les piétiner, leur casser le cou, faire des verser des pots de vin aux arbitres pour qu'ils regardent ailleurs pendant que tu fais toutes ces choses-là. Les gobelins sont reconnus pour tricher, là, ils ont une tronçonneuse dans leur poche en arrière. Puis il se passe vraiment toutes sortes de choses. Là. Il y a toutes sortes de créatures étranges là, qui ont... Donc, un jeu que tu conseilles? Je le conseille. Ça fait 2 jours que je joue là-dessus. Puis, t'es pas capable de t'arrêter? Non, ben c'est ça. À l'émission. Ben, c'est pour ça. Là, j'ai pas eu le temps de préparer une chronique parce que j'étais trop en train de monter dans mon championnat. Là. Je suis rendu 2e de ma division. Tu nous as menti, c'est ça? Ah, merde. ferme le micro! Bon, ben, coudonc, hein? Fait que, ben, on va faire des nouvelles d'abord. Yeah! OK. Le mari et la femme étaient à l'aéroport puis attendaient l'avion pour leur lune de miel. La femme a décidé d'aller aux toilettes. Il semble qu'elle a pris un petit peu trop de temps dans les salles sanitaires de l'aéroport car le mari a décidé de ne pas l'attendre et de prendre l'avion sans elle. Lorsqu'elle est émergée de la salle de toilette, elle a découvert que son mari était disparu. Elle a d'abord cru au pire. Elle a alors cherché désespérément son mari qui restait introuvable. Lorsqu'elle a découvert que son mari l'avait laissé en plan parce qu'elle était restée trop longtemps aux toilettes, elle a demandé le divorce. On la comprend. Belle lune de miel. Hein? C'est une petite conne. Est-ce que l'histoire dit combien de temps ça y a pris? Parce que ça faisait 2 heures qu'elle remettait son make-up et l'avion partait. Hein? On le sait pas, exactement. Mais ça coûte cher les billets d'avion. Moi, je pense que y a du monde qui ont tort des deux côtés dans cette histoire. Non, mais moi, je pense que le gars, il s'est dit « Ah, je vais l'attendre dans l'avion. » Puis là, elle est comme là, ah ben je fais caca pendant 3 heures pendant que mon avion est supposé décoller dans 10 minutes, tu sais, c'est comme... C'est toi qui vas chier dans l'avion. Il aurait dû l'attendre, c'est tout. Ah non, mais t'aurais dû chier dans l'avion. C'est toi, elle faisait un test de grossesse, ça prend le temps que ça prend et voilà. C'est pas long. Non, c'est lui qui a été calme, je suis désolée. On a la vie d'un gars puis la vie d'une fille qui sont pour leur propre sexe. C'est le débat de la semaine. Le débat de la semaine pour ou contre les filles. En tout cas, moi, je suis pour avec modération. Les filles? C'est bon, ça. C'est une bonne manière de faire les choses. Il y a Bayer qui va lancer un lecteur de glycémie pour Nintendo DS. Le lecteur viendra avec un système de points attribués pour les bonnes habitudes de test. Les points pourront être utilisés pour acheter des items ou pour les unlocker. Ah non, come on! Le Bayer Digit Meter a été développé en collaboration avec Paul Wessel, un père d'un enfant qui a le diabète. Paul avait remarqué que son fils perdait toujours son lecteur, mais semblait toujours capable de retrouver son DS. Ça a l'air que tu peux te connecter à 4 Nintendo DS puis comparer tes résultats. Tu peux t'échanger tes items aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Sarah! Parle-nous de parler à son propriétaire avec une voix suave et se faire payer des drinks par lui. Et en plus, il a vraiment écrit. Fait que le début, je vais le lire comme... mot pour mot, parce que je trouvais que c'était quand même pas mal beau. Tu peux le lancer si tu veux. Je le lance. La 1. C'est la le temps pendant. Des vacances. C'est ça. Alors, comme les plus... c'est dans moi... C'est dans, hein? Ouais, ça... Dans les vacances. Comme les plus perspicaces d'entre vous l'auront remarqué, je n'ai pas tout à fait le même timbre de voix que DJ Georges. En effet, je suis sa remplaçante officielle, ce qui fait donc de moi une espèce de DJ Georgette. Même si le vrai DJ se fait dorer sous le soleil de Cuba, possiblement en train de discuter du Québec en buvant un Québec libré avec les sympathisants cornus des Caraïbes, voire l'émission de la semaine dernière, il nous a tout de même préparé une chronique à lire soi-même. Les avantages sont nombreux. Premièrement, ma voix sensuelle et chaude est beaucoup plus intéressante à écouter que la sienne. Ensuite, si on veut, on peut sauter un paragraphe ou carrément ne faire jouer aucune des tunes poches qu'il nous a envoyées. Finalement, mon accent est tellement sophistiqué, on a presque le goût de continuer à fonctionner comme ça, même à son retour, presque. Moi, je trouve... Avec ça, c'est pas toi qui l'as écrit. Non, ça. Non, c'est lui, mais moi, je trouve que ça m'a fait quand même plaisir de lire ça. Et en plus, c'est ça, grâce à ce qu'il nous a envoyé, moi, j'ai découvert plein d'artistes québécois. Donc là, ce qu'on entend, donc Pierre Lalonde, c'est le temps des vacances. Ou je sais pas si on entend bien, mais... Sa semaine a quand même l'air d'avoir été difficile, et puis... Voilà, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Il n'y a pas eu une belle semaine. Voilà, puis il arrive quand même à mélanger... C'est ça, il mélange efficacement la plage, les vacances, les amours adolescents, la graduation et sentiments de culpabilité. Jean, il est capable de jouer à la guitare. Ça. On dirait un film d'ado. Voilà, exactement. Puis il a l'air quand même de chanter beaucoup la bouche ouverte. Et quoi? Et moi, je sais pas, j'ai l'impression... Parce que toi, tu chantes la bouche fermée? Mais non, mais j'ai l'impression qu'il a toujours la bouche ouverte quand il articule pas. Bon, après, on peut aller à la 2. Ouais. Donc ça, c'est Chantal Renaud. Moi, je connaissais pas du tout, mais apparemment, DJ Georges l'aime beaucoup. Et donc, elle aussi a fait une chanson sur les vacances qui s'appelle « Opération Vacances ». C'est vraiment enjoué, ça. C'est dégueulasse. Ben, ça sent un peu l'accident de voiture sur la route. Entre autres. Ouais. Ils sont trop contents, hein, ça y est. Il va forcément se passer quelque chose. Dans 10 minutes, elle roule trop vite, là. Ben déjà, cette deuxième-là, on peut se commencer à se rendre compte que, de façon générale, mais en fait, c'est en France comme au Québec, on parle quand même beaucoup de lieux communs dans ces chansons-là. Moi, j'aime bien la tune de Laurie qui parle des vacances. Ah, je la connais pas. Mais en tout cas, c'est la prochaine, à la 3, donc c'est Caro avec un K qui chante « Je m'en vais en vacances ». Et donc là, ça ressemble un peu à Michel Fugain, si vous connaissez. Et puis, il n'y a rien d'original, c'est... il n'y a rien à dire, je sais. Voilà. C'est lâché. C'est comme clair. C'est aussi évident qu'un cyborg. Non, c'est ça. Non, mais c'est pas si évident que ça, un cyborg. Ça peut prendre des formes humaines. Ça, c'est jamais sûr. Surtout quand il fait comme saloperie de cyborg, puis là, lui, c'est un cyborg aussi, tu sais. Ouais. C'est comme pas clair. On pourrait-tu dire que T2000, c'est un cyborg? Après, okay, ouais. On va faire plaisir à Israël pour la prochaine. Dorothée. Non, elle, contrairement à ses camarades, fait l'énumération des choses qui se passent bien. Ouais. Mais Dorothée, elle est toujours contente. C'est ça, son trait particulier. Ah ouais, puis là, il y a envie de pipi. Arrive, voilà. Ouais, il y a envie de pipi. Monte le son. Voilà, Pierre. Dorothée, elle est toujours heureuse. Moi, je trippe sur Dorothée. Ben moi, Dorothée, ça a été, je pense, mon premier fantasme. T'as pas de pitié pour les croissants? Ouais. Ah ouais? Ah, c'est elle, ça. Moi, mon ancien beau-frère, c'était Corbier. Voilà. Ouais, je sais. Oui, ouais, François Corbier. Il jouait vive qui, les là? Vacances, vive la souciance. La barbe rousse. Ouais. Et on va rester en France encore. Alors là, j'ai vraiment honte parce que c'est vraiment affreux. C'est donc Sheila qui fait une reprise de All I Have to Do is Dream, qui s'appelle donc Pendant les vacances. Et c'est très très laid. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'avant? Moi, je trouve que la chanson originale était quand même jolie, puis ben, comme d'habitude, Sheila nous a encore fait une belle merde, comme on dit. Elle est fait tiens. C'est de la méta, ça. Ah, ouais. Méta cochonnerie. Ben, je pense qu'on peut l'arrêter parce que c'est... C'était tellement bon. On peut retourner vers... Au Québec où... Moi, j'avais jamais... Je connaissais pas du tout, mais l'assise, donc c'est Julien... Lucien Francoeur. Oh! Ah non, s'il vous plaît. Blues Jeans sur la plage. Et ben, je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression... Il me fait penser à un roumain. J'ai l'impression que c'est plaintif. Il demande quelque chose et... Un peu série B en arrière. Hein? Ah ouais. Puis il chante pas. Hein. C'est ça, ah ouais, il chante pas, il récite. C'est un poète de la rue. Tout un été, ils se sont embrassés. Ah, d'accord. Sur cette plage, leur langage était le slang avant l'heure. C'est lui qui a inventé le rap. Le rap slam. Ouais, il fait du slam. Pareil comme Grand Corps Malade. Ouais. Mais en roulant les ailes. Je me disais que Grand Corps Malade avec Diam, ça serait le fun qu'il fasse un duo. Ah, c'est vraiment déprimant. Et pour terminer ça, on peut aller voir c'est les Classels en marchant sur la plage. Les Classels. Alors, je sais jamais comment avec on doit dire avec l'accent américain. Le petit gros des Classels. Et en fait, DJ George, malgré qu'il soit pas là, il aurait vraiment voulu qu'on l'écoute en entier. Alors, c'est pas ma faute, mais. On n'a pas le choix. Ça, je coupe vos micros là ou je les laisse en. Oh, tu peux les laisser allumer. Ah ouais, faire un commentaire. Ok, parfait. Si on veut crier comme Tommy. Les Classels, c'est bon, je trouve. La toune Ton amour a changé ma vie. Ouais, c'est excellent. La seule que tout le monde connaît. Une classe. Sérieux, là, j'ai déjà pleuré en l'écoutant comme il faut. Ah, ouais, t'es sensible. Ouais. T'as pleuré parce que t'as été touché ou parce que tu... Ben, je... Parce que tu t'es cogné un gros orteil pendant que tu l'écoutes. J'avoue que je coupais des oignons. Je coupais des oignons. Non, t'es sensible. Ouais. Comme sur Joe Dassin, c'est pareil. Pareil. Ah. Ça vient me chercher. J'ai entendu une anecdote savoureuse pendant ce temps-là qui m'est arrivée comme je faisais dans le temps. À ma fête, je suis sorti dans un bar avec trois de mes amis de filles, les restants de mon party dans le fond. Puis c'était merveilleux parce que les filles ont une tactique pour se faire payer des drinks par des garçons. Là, il y avait un poêle qui voulait fourrer ce soir-là. Puis là, il le quittait des drinks, puis c'était merveilleux. Le gars, il a dû dépenser 60-80$ dans mes chums de filles. C'était quoi leur technique? C'était, Sandra a dansé, puis elle se mettait une calotte, tu croches la tête, puis elle dit paye-moi un drink. Puis la Frenchie, son amie, à elle, à côté. Il a donné 60-80$, puis quand on est sorti, moi puis Yannis, on a dit au gars, « Hey, salut, il y a un after party chez nous, puis t'es pas invité. » Ça fait tellement monde dans le feu, cette Ouais, non, c'est là. Ça, mais il apprendra, moi, quand une fille vient me dire « Ah, ce serait bon, il va être cotonique. » Je dis « Ta gueule. » Je dis, paye-moi-en un, tu sais, mais le gars, le pauvre gars. Sandra, elle a été jusqu'à le Frenchie à la fin pour avoir son dernier drink. Jusqu'à la dernière scène. Elle aurait dû s'abstenir. Non, moi, je trouve que le plaisir là-dedans, c'est de s'abstenir. Fait que les filles, faites vos charrues, c'est merveilleux. Pas de name-dropping dans mon émission, Israël Trudel-Denis, s'il te plaît. Ouais, mais c'est un nom fictif. Arrêtez la chanson de caca. Okay, ouais, c'est bon, ouais, attends un peu. Voilà. Ouais, puis genre, on va avoir une chanson à capella aussi, hein? Oui. Bruno? Bruno, il s'en va. Bruno? Laquelle? Je pense qu'il est parti pisser. Il a organisé le truc. Non, mais c'est parce qu'ils m'ont pris par surprise. On arrête la toune. Là, on va aller écouter The Wet Secrets, qui est un band de Edmonton. Que t'aimes bien. Moi, c'est ce que j'aime bien gros. Ça s'appelle... La toune s'intitule Grow Your Own Fucking Mustache Asshole. Ils ont vraiment les meilleurs titres de toune au monde. Des moustaches. Go, on y va. renverser les 8 personnes qui nous écoutent en live. Choc FM. Oh, la radio. It continue. Continue. C'est l'heure à Continue. Alors, on y va avec des nouvelles, s'il vous plaît. Ben, on va en faire une petite, là, puis après ça, on va passer à autre chose. Il y a un homme qui courait nu qui a été contrôlé grâce à des pistolets à impulsion électrique, communément appelé Taser, près de l'arcade du casino de Hara Lake Tahoe, devant un groupe surpris d'enfants. Oh. Sean Stanley Smith, 19 ans, a été emprisonné pour grossière indécence et pour avoir résisté à l'arrestation. Il aurait affirmé aux officiers qu'il avait avalé du LSD et fait de la marijuana et qu'il courait nu car il croyait qu'il était le Terminator. Mais ben, il prennent pas tout nu, le Terminator. Ben oui, quand il arrive au début. Ben ouais. Dans sa grosse boule cool, là, pis là, ça fait fucker. Il pensait que lui, qu'il fallait qu'il enlève son linge pour passer dans patente, je pense, tu sais. Peut-être que je le regarde, ce film, à jour. T'as jamais vu Terminator? Non, j'ai jamais vu. T'as jamais vu Terminator? D'après ça, tu fais comme moi, il se promène pas tout nu. Moi, je me demande. Elle a vu l'affiche, tu sais. Ben ouais. T'as pas tout nu sur l'affiche. Ben ouais, exactement. Sur Nintendo, t'as-tu déjà joué à Robocop versus Terminator? On a découvert ça hier soir. Non, mais je sais que ça existe, par exemple. Je crois que c'est basé sur le monde. Y a-tu aussi Alien versus Predator? Ah non, ça c'est pas Terminator. Il y a Robocop versus Alien versus Terminator. Terminator versus Predator versus G.I. Joe. Il y a Dracula aussi là-dedans. Ouais, il y a Dracula. Dracula versus Werewolf. C'est le gars qui passe en arrière avec les chiens. Comme versus gars, Mr. Bison. Mario versus Street Fighter. Oh! Bon, ben, on va retourner. Fais-nous donc ton autre affaire, toi, Sarah. OK. Hein? Donc, c'est parce que Sarah, elle a amené deux affaires cette semaine, comme moi. Oui. Parce, mm-hmm. parce qu'on compense pour quatre personnes, nous deux. Oui. Ah, on est un peu Véronique. Vous débrouillez très bien. Stoney Chardin. Oui. Et en fait, oui, la semaine dernière, j'avais fait une section Art de vivre. Et là, j'ai ramené une petite lettre, une façon... élégante et prometteuse de régler les différends qu'on pourrait avoir avec son propriétaire, surtout si on habite dans le même bloc. Donc c'est, je vais vous lire une lettre. Tu veux-tu de la musique en background? Oui, moi je veux bien. Ouais, ok, on va partir ça. Ouais. Voilà. Alors, cher propriétaire, après une réflexion que je qualifierais de nettement mûrie, je souhaite par la présente vous faire part d'une opinion qui, je le pense, vous permettra d'être enfin en mesure de faire un choix positif quant à l'avenir de nos relations et qui, je l'espère, portera ses fruits en réglant définitivement le grief dont vous semblez être la victime depuis quelque temps. En effet, depuis mon emménagement dans l'appartement situé directement en haut de duplex de votre propriété, je me suis à plusieurs reprises surpris à ouïr des événements que je qualifierais d'ordre personnel pouvant se dérouler au sein de votre entourage familial. Ces événements survenant environ à la même fréquence et intensité, à savoir entre 6h32 et 9h45 les samedis et dimanches matins, je me suis alors penchée sur la question afin de tenter de découvrir ce que nous pourrions envisager comme solution à ce problème, à savoir les cris de votre épouse ainsi que les allées et venues de vos enfants. Suite à différentes investigations, j'en suis arrivée à la conclusion suivante. Vos enfants en bas âge, se trouvant dans une situation telle que l'utilisation d'une sonorité dépassant les décibels dits « normaux » à des fins d'urgence, et ce, suite à certaines interventions de votre épouse que je pourrais aisément apparenter à des agissements violents sur leur personne, m'ont, de façon absolument incalculée, engendré une gaule telle que je la qualifierais d'outrancière et de non négociable. Je vous propose alors d'y remédier dans un avenir que nous pourrions considérer comme immédiat en m'envoyant votre pourriture de femme afin que je puisse me la mettre sur le bout sans façon aucune et ce avec autant de mépris que je le mériterais la dernière des traînées. En lui faisant comprendre que d'une part, le fait de se négliger au point de tomber enceinte d'une ordure telle que vous soit une chose quasi inacceptable, mais qu'en plus de cela, ne pas accepter sa condition de déformée, sale et grosse au point de s'en venger sur les enfants de chiens perpétrés par cette union, représente à mes yeux un tel summum de grossièreté que seule une correction anale extrême saurait apaiser quelques minutes l'état dépassé dans lequel je me trouve depuis quelques heures. Je me propose donc de m'exécuter de ce pas, avec bien sûr toute la sympathie que je vous adresse, bien amicalement votre dévoué locataire. Ah, c'est bon. Ça, ils sont pas cool, c'est ça que j'essaie de dire. Hein. Ouais. Ben, ils sont bruyants. Ouais. Non, mais c'est bien, le ton, le ton restait posé tout le long. C'était-tu vraiment personnel, là? Ça t'arrive? D'avoir envie de sodomiser la femme du propriétaire. Ça pose plusieurs problèmes. Ben, j'ai déménagé depuis, mais... Mais c'est peut-être pas une pénitence pour elle, là. Non? Je sais pas. Ben, tu sais... Il y a du monde qui aime ça. J'ai déjà vu même du monde se rentrer de 2 points. Arrête, c'est la RTC, ils vont rentrer. Ils peuvent pas pour l'instant. La porte est barrée. Ouais, c'est ça. On barre la porte quand c'est le CRTC. Mais c'est vrai, par exemple, que les propriétaires, des fois, ils font schnout. Ça veut dire quoi, schnout? Ça veut dire rien. Chier. Ah, ils font chier. Mais il fait attention pour le CRTC, là, pas que je viens de débarrer à la porte. Ah, je me sens mal. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'ils... Ils font des scrotes permis. Ils scrotent tout permis, ils augmentent nos ils sont malades. C'est épouvantable. Hey, savez-vous qu'est-ce qui est pas correct, moi, je trouve? Contre le reggae. C'était pas toujours pour ou contre le reggae. Pour ou contre, genre, le monde qui font chier. Moi, je compte. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Bon, je sais pas, ça peut être drôle des fois. Vous avez pas une chanson a cappella, vous deux? Ouais, ouais. Justement, elle parle de sexe. Ouais, c'est notre chanson a cappella. On veut faire un vidéoclip 3X avec. Ah ouais? Ouais. Comme pute, frotte à plot sur ma bedaine. Non. Ouais. Un petit peu plus. Ben, j'ai juste du monde, les yeux censurés qui font qu'est-ce qu'on dit. Fait que, il va. Peux-tu éteindre la musique? Ouais, c'est éteint. Ça y va. Taper des mains. J'ai le goût de te fourrer. Non, j'ai non, elle est trop slow. Elle est trop slow? Ok. Ok. Non, niaisez pas. J'ai le goût de te fourrer, j'ai le goût de mettre ma graine dans tes boules. J'ai le goût de te faire boire jusqu'à ce que tu sois ben seul. J'ai le goût encore de voir ton corps pis te fourrer toute la nuit. J'ai le goût par tous tes trous pour voir rentrer mon pénis. Je m'en fourrer dans yel. Je m'en fourrer dans yel. Je m'en fourrer dans yel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Non, c'est du cacapella, ça serait cool. Ouais, ça sonnait bien. Là. Ouais. Ah ouais, c'était puissant. C'est le fun. On est toutes pas mal émus, je pense. Moi, ouais, ben, c'est une tune qu'on a travaillé vraiment fort. Oui, en plus. Ouais. Les sprats, on travaille longtemps sur nos tunes. Ça en fait à peu près une par année. C'est vrai, c'est ça le pire. Ah ouais? Si tu calcules toutes les compos des sprats du début... Non, il y en a plus que 13 quand même, parce que justement, sur le... Mais non, en fait, c'est à peu près 2 par année. Ben, vous avez sorti un premier album après votre 3e année. D'après moi, vous avez été super prolifique au début, puis après ça, c'était... Non, en fait, je t'explique. Le côté noir des sprats, ouais, c'est rendu là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, dans les 3 premières années, on a composé 10 tunes. J'avais 15 ans. OK. On a composé une tune qui s'appelait « On sort un démo » pour le démo qu'on a sorti, qui s'appelait « On sort un démo » juste en 1997. Okay? Après ça, on a commencé à composer des chansons qui ont été sur le premier album qui s'appelle « Parce qu'on s'en crisse » qui est sorti en 1999. Il y avait 9 chansons dessus, ça fait qu'on est rendu à 10. Après ça, on a sorti un démo qui avait... 8, 9. Qui avait 8 chansons, dont une qui avait déjà... un cover, puis Roy, à la fin qu'on en remet à chaque démo, puis CD qu'on enregistre. C'est un genre de concept de tout le temps remettre la tune qui s'appelle Roy. C'est un hommage à Roy. Un hommage à Roy. Puis c'est ça. Ça fait que là, on est rendu à beaucoup, 17, hein? À 16. À 16 chansons. Puis là, on a sorti notre album qui a déjà 16 chansons. C'est à cause que... On doit avoir à peu près 25 compos. Notre drummer Yann, il y a eu un accident. Il y a eu un enfant. Il y a eu ça aussi. Oh, c'était un accident. Non, il a été piqué par la passion du snowboard, puis il est déménagé 6 ans dans l'Ouest. Puis nous autres, groupe fidèle comme qu'on est, on s'est pas trouvé un autre drama. On s'est dit qu'on allait l'attendre. Ah ouais? Ouais, parce que c'est ça. Ben, on a fait des shows quand même, dont une fois avec Les vieilles salopes. Ah oui? À Rouen. Ben, vous étiez arrivé comme en retard, puis les sprats, on avait joué. Oui, c'était notre premier soir à Rouen. C'était où, d'ailleurs? À Macquarie, je pense. Non, c'était quoi la salle? À salle des Mousses. À salle des Mousses. Ah ouais, oui, salle oui, des Mousses. Oui. Ouais, salle des. Non, c'est au Chevalier de Colomb, dans le fond. Ouais. C'est pas la même salle que toi, voilà. Non, ok. Puis, quelle année, hein? Ça, c'était quelle année? L'année de notre rencontre, 2005. Je m'en souviendrai toute ma vie, Jean. Ah. J'avoue que moi aussi, m'a rappelé toute ma vie, surtout de ce show-là, parce que il y a un gars qui est venu me voir après le show, parce que vous autres, vous êtes arrivés tellement tard, on avait joué les sprats. Heures, ouais. Après ça, il y avait eu les prostituées, puis après, il y avait eu les vieilles salopes, ils sont arrivés comme crissement trop tard. On a joué les putes, on a joué pendant comme 2h30 de temps, tu sais. Mais les sprats, on a joué avant, puis notre set à peu près normal, puis il y avait juste moi, Tessier, Dizal, il était pas encore dans le groupe, puis c'est mon frère Daniel, salut Dan, qui jouait le drum en arrière. Puis, c'est ça, on a joué, mais moi, j'aimais pas le son de bass que j'avais parce que j'étais là, plugé dans l'ampli à Christian des prostituées. Puis je jouais, puis j'aimais tellement pas le son que je jouais pas à moitié de mes notes de bass, puis je chantais, puis je faisais n'importe quoi, puis je m'en crissais, puis je jouais pas à moitié, puis je m'en crissais, puis j'arrêtais les tunes en plein milieu. Puis tout, puis un gars qui est venu me voir à la fin, puis il a dit « Man, j'ai tout le temps bien aimé les sprats, mais à soir, t'as tout gâché. » C'est Daddy Christian Daoud qui me dit. Ah ouais, Daddy. Mais bon. Puis depuis ce temps-là, je me force. Ouais, puis ça paraît en plus. Je me force, hein? Ben oui. Merci. Je suis content que tu me dis. Les sprats, ils donnent un méchant bon show, hein? Vous ne manquez pas ça. Ah, je sais pas, moi. Vendredi le 10 juillet 2009. Avec le monde dans le feu. Avec le monde dans le feu. C'est combien? C'est 0$. Zéro? Bistrot de Paris. C'est le fun, parce qu'on lance notre album, puis c'est ça. Ah, ça va être le fun, c'est cool. On est là pour s'amuser. Puis le bistrot de Paris, c'est drôle en plus. Ouais, il y a un gars qu'on sait pas si ça. Il ressemble à Patrick Gros en arrière du bord. Puis on sait pas trop s'il s'appelle Mathieu ou Martin. Fait qu'on l'appelle Matin. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est celui qui a des lunettes? Non, c'est celui qui ressemble à Patrick Gros. Je sais pas qui c'est Patrick Gros. Il sortait avec Annie Brocoli. Elle a créé cela pour un Italien. Pour qu'il puisse y faire des pizzas au brocoli. L'Italien avec les cheveux mouillés. Là. Les cheveux frisés. Non, ils sont pas frisés. Ils sont juste mouillés. Il est pas latinos quand même. Italianos. Italianos. Nachos italianos. Hein? On fait une tune à cappella? Ouais! Ok, cool! Non! 4x4? J'aime ça faire du 4x4, je peux me promener dans la boîte. Pis quand je m'en vais en ville, je me crisse sur deux pattes. Y'a aucun obstacle qui me fait peur. Des côtes, des trous, la boîte. Amène-toi, moi j'ai un 4x4. Ah ouais, j'aime ça faire du 4x4! Ah ouais, j'aime ça faire du 4x4! J'ai pas peur de le beurrer, mon 4x4! Je le ferai laver! Bass, slack! Bon, on arrête ça là. Merci, bravo! Ça sera pas le même au show en passant. Ça va être non, il va y avoir des instruments de musique. Puis presque pas de tapage de main à part à la fin des tunes. Quand le monde sont contents, après les tunes, ils peuvent taper dans leurs mains. Mais pas après les tunes du monde dans le feu. Soyez avertis. La nouvelle! Ben, ok, je vais faire ma dernière nouvelle. Puis après ça, on attend pendant une demi-heure en faisant des jokes de pire. Après ça, on va aller voir Sarah qui va finir sa chronique de DJ Georgette. Alors, il y a Anthony Beninati qui a poursuivi les organisateurs de Burning Man. On sait tous c'est quoi Burning Man. C'est une grande fête où on fait brûler une structure de bois en forme d'humain. Entre autres. Pour l'avoir empêché en fait d'aller dans le feu. Ah. Il y avait du monde dans le feu, c'est ça? Ouais, exactement. Oh. Il affirme que lorsqu'il a approché le feu, les flammes mesuraient environ 12 mètres de haut. Il a tourné 3 fois autour du feu, s'en approchant un peu plus chaque fois. Il s'est retrouvé dans un endroit où il y avait surtout de la braise et des flammes basses. Il a alors trébuché et s'est brûlé les mains. Dans sa déposition, Beninati admet qu'il savait que le feu était dangereux. Il pouvait causer des brûlures avant de marcher dedans. Il savait aussi qu'il avait des chances de tomber dans le feu. Il affirmait aussi que personne n'étant affilié avec le défendant ne lui avait demandé d'aller dans le feu ou dit qu'il serait sécuritaire de le faire. Mais il ne croyait pas que ce serait dangereux d'y aller, même s'il savait qu'il n'était pas complètement sécuritaire, car il y avait du feu présent. Il a perdu sa cause. Surprise! Le système fonctionne. Non, mais depuis ce temps-là, par exemple, il faut qu'il y ait un périmètre autour. C'est écrit « Attention, le feu brûle ». Oui, c'est ça. « Let the record show that fire is hot ». Aïe, mais à chaque année à Québec, il y a un punk qui se crisse dans le feu, genre. Ouais, il y a un punk Samus qui se crisse. Toujours le même. Non, d'habitude, il meurt. Ah ouais, à Evan, il y en a pas un qui s'est fait poignarder un moment donné. Ouais, mais ça pas rapport avec le feu. Le couteau était chauffé à l'heure. Mais il y a un de mes amis qui a essayé sur la mescaline de s'allumer une cigarette dans le feu de la Saint-Jean en Abitibi à Évin en 97 peut-être. Puis il s'est fait accrocher par les pompiers puis il a plus le droit d'approcher. Il avait peur que le gars il se suicide. Ah, ouais. Mais non, je vais allumer ma cigarette là. Christ, t'es-tu sa messe? Tu vois, il y a un restraint order sur le feu. Un restraining order, il n'a pas le droit d'approcher à plus de 30 mètres du un feu. N'importe quel feu. Bon, Sarah, ouais, fais donc ton affaire. Là. On est rendu à la 8. Oui. C'est un jukebox sur la plage, Tony Massarelli. Je trouve que c'est quand même un savant mélange entre Mike Brandt de C'est comme ça que je t'aime et Luis Mariano. Chaque soir, je joue cette avec les petits roulages de R. C'est un bon choix, ça, DJ Jean. Puis du coup c'est bien parce que comme il y a un peu le chantant, on n'écoute pas ce qu'il dit qu'il n'a absolument aucun intérêt. Tout comme les vacances c'est toujours l'amour. Hein. Ensuite on va aller écouter Anne René, qui était la deuxième femme de René Angélil, pour L'été sur la plage. Très langoureux. Ouais, c'est bon. C'était sa deuxième fan. Ouais, c'était sa deuxième fan après Denise Duquette. Elle avait pas compris que c'était le nom de famille qu'il fallait prendre pour son deuxième nom. Ah ben oui, mais non. Ben c'est quand même mauvais. Hein. Ensuite, j'aime tout le temps ça. Ouais, j'aime tout, on dirait. Moi j'aime celle-là, Ginette Reynaud et Jacques Boulanger. Qui? Le sable et la mer. Tu dis tous les noms québécois, tu croches, Sarah. Jacques Boulanger. Non, Ginette Reynaud. Ginette Reynaud. Ah, Jacques Boulanger, ça te rappelle pas Jacques Bélanger? Si, Jacques Bélanger, si tu m'entends, tu me dois à peu près 2000$. Et voilà, le mot est passé. Ouais, sans frère, il mesure 1000 pieds. Non, mais il y a la jaunisse. Ah, il y a la jaunisse, son frère? Ouais. Ah, je trouvais pas qu'il était. Tu peux aller chercher ton argent, je. Ah, son frère s'appelle Jean, justement. Son frère, il y a la journée. Après, la chanson d'après, on est arrivé à la 11. C'est dédié à Gaëtan, la belle-mère de DJ Georges, parce qu'il a découvert 3 disques de Darèche et les frères Duguay. Ah, les Darèche. J'ai bien dit. Ah ouais. Et ben, en fait, je trouve ça très laid, alors je vous laisse l'écouter. Donc ça c'est ça, donc bonjour Gaëtan, et puis enfin on va retourner un peu en France parce que quand même la belle Annie Cordy, Hello le soleil brille, qui est quand même presque un chant d'armée même si on est directement au bord de la mer. Annie Cordy qui chantait Tata Yo-Yo. Et tous les bébés sont des géants. Tous les bébés sont des géants. C'est bien bizarre ça. Je serais prête à. Ouais, j'amènerais une nuance à ça. Le soleil brille, brille, brille. Hello. Chez toi, l'amour t'attend. Et enfin, je vais lire mot pour mot ce que marque DJ Georges. Évidemment, il est impossible de parler de soleil sans faire jouer le classique de Rémi Mignot et de ses chœurs. Soleil, soleil. Mon cœur est à l'amour. Et c'est quand même un peu les vacances chrétiennes. Ouais, ben ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup de cette chanson-là, c'est qu'elle me fait penser à un montage d'annonces de TQS, genre. J'ai vraiment en train de regarder TQS. T'as tout quoi contre ça? Mais c'est un peu tout. Ouais, c'est touchant. Non, c'est correct, j'aime ça, TQS. Soleil, soleil. Ben oui. Ok, c'est celle-là. Il y a un bout de poche à cette tune-là. Ouais, c'est ça, c'est le début. Il y a un bout de poche. Ouais. Ben, je sais pas. Ok. Toi, tu trouves tout bon, hein? Ben, c'est bon, ça, non? Il est encore naïf. Ouais. C'est bon public. Ouais. Jean-François. Jean-François, le bon public. Jean-François, le bon public. Jean-François qui va aimer Nemesis. Ah. Ouais, peut-être. Ah, et bon, pour faire plaisir à Bruno, on va pouvoir aller à la 17 directement. C'est spécialement à 17. C'est pas l'anguille, toujours? Non, c'est juste pour toi. Ah! Ah, non! Ah. Tout noir! Ça, j'aime pas ça, par exemple. Désolé. Toute noire, cheveux frisés. Et on peut aller à la 1:05. Comme ça ressemble au monde mal fou. Cette chanson-là, pour, quand il parle en africain, il chante... Dans le soir... Au clair de la lune. Ah, vous connaissez pas les paroles par cœur. Moi, je vais écouter à la 1 minute 5 quand il parle, en africain. Veux-tu que j'aille à 1 minute 5? Ouais. On va aller là. Voilà. Voilà. C'est vrai ce qu'il dit. Comme le disait DJ George la semaine dernière, on voit clairement que c'est quelqu'un d'un autre pays. C'est d'une pambara, ça. C'est, je pense que je commence à l'aimer. C'est le clic langage, ça. Ouais. Moi, je trouve ça bon. Les pieds. Et puis, ben, pour finir, les tannoirs. On va aller à la 18. Moi, c'est ma chanson préférée de toute la setlist de DJ George, qui est Seigneur Météo de Patrick Zabé. Moi, je trouve ça... Ah, ben ouais, Zabé. Très, très bon. Ça fait comme Zappy Boo. Ouais, puis ça donne envie de chanter, de danser un peu. Buh qui va être là pour Le Monde dans le Feu le 10 juillet, lancement des strats. Ah, oh, une autre plug, c'est quoi? Tes hits continuent. Continue. Tes plugs continuent. Toujours plus. Toujours plus. Ah, j'avoue qu'elle est bonne, hein? Ah, moi, je l'aime, cette chanson. J'aime bien le côté haïtien. Ouais, sa grenouille est malade. Non, le poisson. C'est plus un poisson qu'une... C'est comme le... Dans, c'est où? C'est dans Culberry Finn quand il y a Joel Indien qui arrive? Non, c'est dans... C'est dans Tom Sawyer. Dans Tom Sawyer, la musique de Joel Indien. Ben, c'est un washboard, genre. Bah, moi, non, ça, c'est un guiro. C'est un guiro. Ça fait même la même affaire qu'un washboard, sauf que c'est un... Non, c'est plus comme une bouteille d'eau au bout d'un bâton, puis là, tu frottes avec un autre. Une bouteille d'eau. Tu peux faire, c'est-tu, ça fait comme coucou, coucou, puis là, quand tu frottes, ça fait comme cri. La bouteille, elle fait coucou. Ouais. Ben, quand tu fais dessus, t'as comme deux bâtons. Un avec une bouteille dessus. Tu te fesseras sur la bouteille, tu vas voir. Mais comme une bouteille d'eau vide, là, c'est, avec des... c'est comme rayé. Je pense qu'on en a assez parlé. Okay, ouais. Du quoi? C'est pas comme une bouteille de coke, genre, parce que c'est juste comme... Puis une bouteille de bière non plus, ça marche pas. Non, c'est ça. Ça fait juste comme conk-conk. Fait que, est-ce que t'as fini, toi? Ouais, moi j'ai terminé. Bon, t'as fini, ok. Ben, reste 15 minutes, est-ce qu'on fait des jokes de fête? Seigneur Météo. Non, Bruno, il y a encore des choses à dire. Ouais, ben, j'ai fini mes nouvelles. Je peux te faire une plug? Ben, en fait, ouais, fais donc une plug, voir. Ok, une petite plug, une petite nouvelle. C'est à cause que je me suis promis à moi-même que j'allais faire une publicité pour mon père. C'est bon. Mon père est un dépanneur en Abitibi qui s'appelle un dépanneur chez Gib. Puis ils vendent plein de bonnes sortes de bières de microbrasserie partout chips. Dans le Québec. Non, il est spécialisé dans la microbrasserie. Est-ce qu'ils vont vendre la dernière mission? Ben, je sais pas. Sûrement, je la connais pas. C'est qui a fait? La bière c'est la bière du douteux. C'est la bière officielle par de douteux.org. Ben, bientôt en bouteille près de chez vous. Ben, si c'est en bouteille puis dans le dépanneur, probablement qu'on va l'avoir parce qu'on a la bière du Dieu du ciel embouteillée. Là. Ouais. Puis on a plein d'autres. En tout cas, on est un des dépanneurs au Québec, il y a le plus de choix de bières de microbrasserie québécoise. Il s'appelle comment ton père? C'est vraiment cool. Jacques Gibson. Wow. Jacques Gibson. Ouais, on a même un site internet, c'est le depabière.com. En un seul mot? Ouais. Sans accent et en lettres minuscules? Toi, tu m'énerves. C'est ça, ça fait que si vous passez en Abitibi, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. C'est bon, c'est quoi l'adresse? 25 Principal Est, Evin, J0Z1Y0, si vous voulez écrire une lettre à mon père. Moi, ou à ma mère. Laurette Cartier. Carrier. Carrier, c'est bon. Les dentistes Carrier. Ça vous tente-tu de faire un indicatif? Présent? Tu sais, là. Toi, Israël, tu sais quoi un indicatif? Ouais, là, je sais c'est quoi, on a fait plein avec les prostitutes. Ok, c'est bon. Ben, vas-y. Tu sauras. Vas-y, parce que moi, j'ai déjà assez donné pour cette émission. Non, mais allez-y ensemble. Attends. Faut penser à un concept, tu sais. Ok. Mène tout, laisse-les penser. Non, salut, Jeff, fais-moi un indicatif pour les sprats. Ah ouais, je vais faire un indicatif pour les sprats. Ce sera pas long. 70%. Vas-y, vas-y. Ah, non, ok, je sais. Okay. Là, t'enregistres, là? Tout ça enregistre. C'est ça, la technologie. Ok, l'indicatif. Ok, 70% des Sprats aiment l'émission 70%. Ouais! C'était vraiment BS. Ah, c'était BS, ça? C'était super cool. On a comme trois nouveaux indicatifs, on dirait, presque. C'est clair. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi. Ça. Yeah! Yeah! Bon. Comment on peut avoir 70% des Sprats si on est 4? Ben, c'est ça, la joke. Mais ça, c'est super drôle! Mais l'affaire, là, c'est que si dans le Ben, on serait 10, ben, il y aurait 3 personnes qui seraient, mais c'est de la merde, cette émission-là. C'est probablement eux autres qui seraient pas venus. Ouais. Là, il y en a 1.5. Là, il y a 50% des Sprats qui sont pas là, mais je pense qu'ils aiment bien l'émission s'ils l'écoutent. Tu penses? Fait que ce serait toi, genre, comme. Ah, et puis j'ai une autre plug à faire. Ah ouais? Bon, ben, parce que vous autres, vous êtes à l'université. Ouais. Non. Ou presque. Non, c'est arrivé. Ben, on est dans une université en ce moment. C'est ça, parce qu'en Abitibi, il y a l'UQAT. Ouais. C'est UQAT pour la vie. Ouais, c'est ça. Puis mon chum Tessier puis Richard, DJ Flip la table puis DJ Gazette, ils ont une émission. DJ Gazette. Ouais, une émission qui s'appelle Dans ton salon avec DJ. Nanana. Puis c'est ça, ça joue. Allez sur le site de l'UQAT puis écoutez ça, c'est vraiment le fun. C'est drôle, c'est la même gamique, c'est comme le Choc FM de l'UQAT. C'est ça. Ben oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'interplug les universitaires. Ben oui, c'est ça. C'est important. Dans le réseau des universités du Québec. C'est ça. C'est important de plugger nos... encourager. Eux autres, ils ont déjà eu un pic de 13 personnes live. C'est plus que vous autres aujourd'hui. Ah, ben oui. Ben nous autres, c'est comme... C'est slow aujourd'hui, là. On a juste les Sprats. Tommy pas là, tout ça. C'est pas... Ouais, j'avoue que c'est pas... C'est pas un gros show à soir, là. Ben non, c'est malade, les Sprats. Pose-nous des questions intelligentes. Ben là, j'ai fini. Moi, j'ai fait le tour de mes questions, tu vois. Hey, est-ce qu'on parle pas pour les 10 prochaines minutes? Il n'a même pas posé une crise de questions. C'est vrai, ça, de vous autres. J'en ai posé des questions. Ah, si, moi, j'ai posé des questions. Ouais, elle était pertinente en plus. Moi, j'étais pas pertinent, c'est ça que tu dis. Ben non, t'en avais pas. C'est quoi? Pourquoi que tu trouves que mes questions sont pas pertinentes? Parce que t'en as pas posé. Ben oui, ça j'en ai posé. Si t'en posais. J'ai demandé, ça faisait combien de temps que ça existe, les Sprats? Ben non, on se l'est posé en plus. Tu réécouteras la fucking émission, même. Okay, tu vas voir que j'ai raison. OK, puis on met un petit 2 là-dessus. Oh, vous êtes fatigant. Ah, c'est bon, ça s'ennuie. Ah, je m'ennuie. OK, check. Guerre de radio. On va tout effacer ça si tu nous poses une autre question que je trouve pertinente. Mettons, le processus créatif des Sprats, est-ce que tu dirais que ça se fait naturellement avec le groupe ou il y a plus juste une personne qui compose les textes, une personne qui compose la musique? C'est pertinent. Ben, en fait, on arrive souvent avec des idées de base. Puis après ça, soit moi ou Israël dernièrement ou Sébastien plus dans le temps. Là, mais encore, Astor, il compose quand même beaucoup, même s'il est loin de nous. C'est ça. Là, après ça, il y a plus quelqu'un personnel qui va pogner la toune, qui va la travailler. Mais tu sais, souvent, comme Yann, il arrive, on parle de 4x4, là, c'est super le fun. Il arrive avec un texte, il arrive avec de quoi. Ben, souvent, on arrive juste avec un titre, des fois, là. Mais c'est rare qu'on part de rien, puis qu'on monte tout le monde ensemble une compo. Tu sais, on va arriver. Ça jamais arrivé. Ouais, c'est arrivé avec Pom Pom dans le temps sur l'autre album. Ça, c'est une autre histoire. T'étais pas là. T'étais vraiment mineur, parce que je l'étais, moi aussi. Puis on a quasiment 100 ans de différence. 102 ans de différence. 102. Merci Bruno. Et par rapport, j'ai une dernière question par rapport à la chanson qu'on a entendue tout à l'heure sur le caca. Est-ce que vous vous sentez un groupe politisé? c'est quand à dire, mais moi je trouve que oui. Ouais, vous êtes quand même vraiment subversif. Ben moi, de la merde, c'est pas... Je pense que dans le fond, il faut vraiment que tu réfléchisses puis que tu vois le degré des Sprats. J'ai ça parler sérieusement de même. Là, c'est toi qui as demandé. Là, tu voulais des questions pertinentes, regarde. Ouais. Ben, je pensais pas des questions. Tu pensais pas que ça marchait. En fait, je trouve ça super intéressant parce que moi, les Sprats, je l'ai tout le temps dit, dans le fond, c'est comme une grosse révolte contre la société un peu. Tu sais, ça fait quoi d'un peu engagé sans nécessairement... Tu sais, genre, tu peux lire entre les... didactique. Ouais, c'est ça. Puis, tu peux lire entre les lignes. On n'est pas obligé d'être des vulgaires machins, quoique j'aime super gros ce qu'ils font, là. Mais, tu sais, dans le fond, c'est pas juste pipi-caca, là, les Sprats, là. Puis, en tout cas, c'est hyper sarcastique. Ouais, c'est comme, genre, fuck la société toute dans un moule. Puis, la police, c'est la marre. Ouais, tu sais, comme, j'aime pas la police, Ouais. Ah, c'est vrai que chanter des tunes, genre engagé de même, c'est plate, là, tu sais. Mais j'avoue que des fois, on a poussé notre côté un petit peu, tu sais, on est comme tombé dans... dans le, dans le ridicule, je pense, plus, là, sans que ça soit trop cliché, là, mais tu sais, en même temps, c'est drôle, le fait de parler comme la toune fourrée dans la gueule, tu sais, dans le fond, qu'on a chanté à Capella tantôt, là, ouais. Dans le fond, c'est comme une réponse aux Ben et Pop qui font des tounes un petit peu trop, tu sais, en tout cas, tu sais, ça a l'air bang et eux de même, là, ouais. Mais tu sais, dans le fond, moi, je trouve ça con, quelqu'un qui maltraite la femme un peu dans leurs propos, dans leur tune, tout ça. Puis moi, je trouve ça drôle de faire ça, les Sprats. Puis, tu sais, comme, on pousse tellement à l'extrême, ce petit côté-là, qu'on en rit, puis ça nous gêne quasiment. Quand on a écrit ça, moi, j'étais comme, oh shit, des fois, c'est trash, tu m'as fourré dans la gueule, là, c'est assez. Mais en tout cas, ça aurait plu à Tommy. Bon, OK. Parle-nous du film, merci. Ben oui, merci. On va terminer cette émission-là. Alex est un cyborg. Il vit dans un monde où il ne reste plus beaucoup d'êtres humains car les humains sont presque tous devenus des cyborgs. Après sa dernière mission, qui l'a laissé encore plus déshumanisé par sa reconstruction, il décide de prendre sa retraite. Il sera alors tour à tour ange exterminateur de rebelles terroristes, junkie fini et sosie de Rambo, avant de se faire annoncer qu'on lui a posé une bombe sur le cœur et qu'il devra revenir pour une dernière mission. Il devra coopérer ou mourir. Sa mission, retrouver Jared, son ancienne partenaire et amoureuse, afin de récupérer les informations qu'elle aurait volées et qu'elle souhaite vendre à un groupe terroriste qui désire sauver l'humanité de la robotisation. Il se rendra bien vite compte qu'il était du mauvais côté, que les rebelles ont raison de se battre pour leur noble cause et rejoindra leur rang. Alex le cyborg retrouvera Jared la cyborg sous forme de puce électronique, lui annoncera que le préfet de police Farnsworth a été remplacé par un cyborg qui veut transformer toute l'humanité en cyborg en tuant tous les humains qui restent. Et, si on se fie à la diégèse, il n'en reste probablement pas beaucoup. Alex, avec l'aide de Max Impact, une jeune femme qui fait partie de la rébellion et dont il a assassiné la sœur plus tôt dans le film, devra tuer l'intuable cyborg Farnsworth une fois avant le climax, une fois pendant le climax et deux fois après le climax afin de nous mener aux trois dénouements du film. Wow. Moi, j'ai hâte. Némésis, ce soir, sous une pluie de projectiles au brouhaha. On va aller à la 43e minute 38. 43e minute 38. C'est à peu près ça. Pour que les gens comprennent. Ah. Ça s'en vient. Faut pas trop déconner, vieux frère. Je sais que t'as forcément encore un ou deux organes humains qui pourraient souffrir le martyre. On m'a demandé de retrouver quelqu'un. Ah oui, le cyborg de cette bonne vieille Californie. Jared, c'est ça. Oui, on raconte qu'elle a volé un truc aux flics de Los Angeles. Quoi, ils t'ont envoyé ici pour l'arrêter avant qu'elle vende ses données à ces terroristes? Ces chiens rebelles de l'armée rouge. Si vous en savez tant, vous pouvez sans doute me dire où trouver Jared. Et pour qui tu me prends? Le bureau des personnes disparues, sans doute. Et les rebelles, dis-moi un peu ce que tu en penses. J'en pense rien. Ah, une belle bande de hors-la-loi, hein? Ils se battent pour la liberté contre la prolifération des systèmes informatiques. Contre ces puces cybernétiques qui veulent aliéner la civilisation. Ils se prétendent les protecteurs de l'humanité. Oui, possible que tu sois un flic futé. Peut-être même trop futé pour être un flic. Il se pourrait bien que tu sois juste qu'un fils de pute futé. Ça fait beaucoup de peut-être. Ça va comme ça. Je vous ai dit la vérité. Pourquoi, Gaijin? Parce que je vais mourir dans deux jours. J'ai quelque chose en moi. Mais en toi? Une bombe, hein? Oui, c'est ça. Une fois que j'aurai retrouvé Jared, j'ai bien l'impression que je vais devenir un feu d'artifice. Alors arrête de me faire chier! Opération après opération, on devient plus une machine qu'un humain. Est-ce que tu y as réfléchi? Ils ne m'ont jamais laissé le choix. C'est triste, non? Au moins, je suis encore en vie. Je ne vois pas ce que ça change si tu t'en fous, vieux frère. Je te demande juste de rester loin de moi au cas où ta bombe aurait un accident. prochaine fois, je vous descendrai tous, bande de fumier. Allez, Lynn, allons manger un morceau. Hey, Julian, mais qui c'est ces mecs-là? On s'en balance. De chambre. Amène-le-moi ici, Michel. J'entends ce que je te dis, il est réglo. Ça tire seulement quand c'est armé, pauvre con. Merci du conseil, mon pote. Michel ? Jared disait qu'on pouvait te faire confiance. Elle disait que tu étais différent. Bon Dieu, qui êtes-vous? Quelqu'un qui peut t'aider à trouver Jared. Oh, toutes mes excuses pour les méthodes peu orthodoxes de Michel, mais je voulais te passer au scanner sur le sensor respiratoire pour être sûr que Jared n'était pas trop optimiste à propos de ta loyauté. Je me fous de ce que t'as dit ton scanner. Chut, on ne peut rien se dire ici. Farnsworth a réussi à faire greffer un mouchard dans ton œil droit. Il entend et voit tous tes faits et gestes. Et tu as bien envie de m'aider à devenir borgne. Jared n'avait pas pensé qu'il faudrait en arriver là. Autrefois, je lui ai fait confiance. Oui, et après, elle t'a trahi. Je ne lui parlerai pas. Et elle avait pas. Une bonne raison. Elle avait juste sa raison. Mais il y a plus en jeu que tes seuls sentiments. Il y a toujours eu beaucoup plus. Tu vas nous aider ou pas? Vous êtes que des cyborgs. J'en ai rien à foutre. Et toi, tu n'es qu'un misérable petit connard de drogué. Et je ne tiens pas à dépendre de toi. Je ne veux pas te devoir quoi que ce soit. Dire que Jared s'est fait buter parce qu'elle pensait qu'on avait besoin de toi. Alors elle est morte, hein? Est-ce que tu vas me faire confiance, Alex? Je te jure qu'il n'y a vraiment plus de temps à perdre. D'accord, vas-y. J'aime mieux ça. Attention, ça risque de te... De me piquer? Oui, je sais. Non, en fait, tu vas dérouiller comme jamais t'as dérouillé. Je suis prêt. Surtout, reste tranquille. On est repérés. Il faut y aller, on va se les faire. En vérité, Jared n'est pas vraiment morte. Comment ça? Par la surprise quittant Los Angeles, son enveloppe corporelle a été endommagée. Son corps est mort quelques heures après son arrivée ici. Donc elle a été tuée? Son corps, oui, mais pas ses données. Voilà l'esprit et l'âme de Jared. Des données transférées dans sa mémoire centrale. Conduis Jared à la base des rebelles de l'armée rouge. J'ai pris rendez-vous pour toi au coucher du soleil, au sommet du volcan. Ils attendront jusqu'au dernier rayon du soleil. Ensuite, ils s'en iront. Mais après ça, il n'y aura plus la moindre chance d'arrêter Farnsworth. toutes les unités en place au poste prévu. Coordonnées scanner pour toute activité pro-terroriste. Les 10 et 11 juillet prochains, Montréal accueille Dwayne Morgan et le Making of d'un homme. Sa chanteuse Lauren Reed l'accompagne depuis Toronto. Deux spectacles, vendredi 10 juillet au Le Dépanneur Café et le lendemain au Dièse 11 Jazz. Ne manquez pas dès 20h les artistes du Spoken Word autour du Calmunity Vibe Collective. La soirée sera chaude et les prix de présence vous y attendent. Pour plus de détails, www.notchesdepoesia.com. Vous écoutez Choc, Choc, Choc, Choc, FM. Choc, Choc, Choc, Choc, Choc, Choc, Choc, Choc, Choc, Choc, Choc, Choc, Choc, Amis cinéphiles, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Écran Total avec un jingle d'ouverture.